بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا يخفى على أحد أن صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام ودعائمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه، أي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا ما اصطلح عليه أهل العلم، وبعضهم كابن تيمية، كالمجد بن تيمية جد بن تيمية رحمه الله في المنتقى، يزيد في قضية المتفق عليه الإمام أحمد رحمة الله على أئمة المسلمين. وهذا الحديث عليه مدار الدين ومدخله أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، وأن تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه الرسول الخاتم الذي يستحق وحده أن يتبع، فلا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقد الإنسان حل الأكل في رمضان فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لأن فرضية صيام رمضان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند كافة المسلمين. وكذلك الذي يستهزئ بالصيام ويسخر من الصائمين حتى وإن صام واعتذر بأنه كان يسلي صيامه، فكفره ككفر المنافقين، أعاذنا الله من الكفر كله، دقه وجله، صغيره وكبيره. فمن أفطر في رمضان متعمدا دون عذر شرعي وهو يعتقد فرضية الصيام، فقد هدم ركنا من أركان الإسلام، وأصبح على خطر عظيم. والله سبحانه وتعالى دونك comme tout le monde le sait, le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers parmi les piliers fondamentaux de l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, a dit: l'islam est basé sur cinq piliers. L'attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le soumis et le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Le hadith il est muttafaq alayhi. Quand les hommes de science disent que le hadith il est muttafaq alayhi, ça veut dire qu'il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim pour la plupart des hommes de science, sauf pour le grand-père de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, Al-Majd Ibn Taymiyyah d'Unnayl Awtar. Lui, il a dit qu'il rajoute à Al-Bukhari et Muslim, l'imam Ahmad rahimahullah. Pas pour lui le muttafaq alayh, il concerne l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim ou l'imam Ahmad rahmatullah ala immatil muslimin. Ce hadith est le pivot de la religion, dont la porte d'entrée est le fait d'attester que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah, et d'attester que Muhammad est le sceau des messagers alayhi salatu wassalam, et le seul qui mérite d'être suivi. Nul ne doit être adoré en dehors d'Allah ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit être que dans le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les hommes de science, quand on les suit dans le suivi qu'ils ont du messager alayhi salatu wassalam. Donc celui qui rompt le jeûne sans excuse, léger ferré, volontairement, il a détruit un des piliers de l'islam et il est dans une situation très dangereuse. On ne dit pas qu'il est mécréant, mais s'il croit que le fait de rompre le jeûne volontairement en plein Ramadan, il croit que ceci est licite, de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux durant la journée de Ramadan, il est sorti de l'islam, car l'obligation du jeûne de Ramadan fait partie des choses dont l'obligation est connue chez tous les musulmans. Hein? Et donc il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Il en est de même de celui qui se moque du jeûne et qui se moque du jeûneur, même s'il jeûne. Il prétexte qu'en se moquant, il était tout simplement en train de passer le temps. Sa mécréance est comme celle des hypocrites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la mécréance apparente et subtile, majeure et mineure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فأقف شيء ما على أمر مهم لأن الواجب علينا أن نرتبط بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان لهم الدين لأن دين الله هو هذا قال الله قال رسوله قال الصحب الكرام هذا دين الله وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا فنقف عند فرضية الحج الحج فرض فقط على من على القادر المستطيع لقوله لمن استطاع إليه سبيلا فمن قدر على الوصول إلى بيت الله الحرام بأي طريقة من الطرق المشروعة المتيسرة وهنا أسأل سؤالا هذا الفرض هذا السؤال لكي نرتبط بأصل الدين وهو التوحيد وهو أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم أي نربط أنفسنا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا السؤال هل من هذه الطرق المشروعة والشرعية أن الإنسان يطير في الهواء ويذهب يحج ويركب بدون ويرجع بدون أن يركب شيئا أبدا هذا اعتقاد المخرفين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لم يطر أحدهم إلى الحج كانوا يركبون الإبل والمراد بهذا الكلام أن نرتبط بأصل الدين التوحيد وأن نربط أنفسنا باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام فتسمع هؤلاء المخرفين يقول والله رأينا الشيخ فلان في الحج ويقول رأيناه في عرفة ويقول لهم هو نعم أنا طرت وذهبت هناك ولعل أحدا يقول هذا قد يحصل نعم قد يحصل لكن تحمله الشياطين الجن عندهم قدرة على نقل الأجسام من مكان إلى مكان فالشياطين ليفتنوا عباد الله عن دينهم يأخذوا إنسانا من مدينة من المدن ويذهبون به إلى عرفة والناس يعرفونه يعلمون أنه في بلده ولم يحج وفي نفس الوقت يرونه في عرفة ومثل هذا لا يحج أبدا ولا يفعل شيئا من أعمال الحج Et on va faire une halte pour nous lier avec un point essentiel sur lequel nous ne devons pas être inattentifs. Et sur un point qui doit régir notre vie. Et notre religion doit être basée sur ce point. La religion d'Allah, si Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nobles compagnons ont dit, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il n'est pas ailleurs. Il est que sur ce chemin-là. Le chemin du noble compagnon, de notre noble prophète alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Et ceci pour nous lier avec cette voie et pour faire une relation entre nos adorations et le fondement principal de cette religion qui est l'attestation de voie, ni digne d'être adoré qu'Allah, ni digne d'être suivi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je prends comme exemple ici, pour attirer l'attention sur ce point crucial dans notre vie, le pèlerinage. Le pèlerinage est une obligation pour ceux qui peuvent, au niveau des moyens et de la santé. Et pour les femmes, s'ajoute le voyage avec un mahram. Donc celui qui peut arriver à la maison sacrée par n'importe quel moyen légiféré et qui en a les capacités, les moyens, se doit de l'accomplir. Ici, je pose une question pour attirer l'attention sur le fondement principal de cette religion, qui est le fait que il n'est digne d'être adoré qu'Allah, il n'est d'être suivi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que maintenant, ça fait partie des moyens légiférés, sans voler dans le ciel, pour le pèlerinage, sans être dans un avion, ou sans aucun autre moyen, concret et normal qui existe pour les vols? Évidemment non. Ceci, l'islam, c'est la croyance de ceux dans cette communauté qui vivent dans les ceux dont les raisons ont été anesthésiées et qui vivent dans les villages, dans les nuages. Le messager d'Allah et ses nobles compagnons ne se sont pas envolés pour aller vers les lieux sacrés. Le but de ces paroles, c'est pour rappeler la relation fondamentale entre les adorations et le fondement principal de la religion, le monothéisme, et qu'on se doit d'être lié dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons avec la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Tu entends ces pauvres dont les raisons ont été anesthésiées et qui vivent dans les nuages avec des histoires à dormir debout, dire par Allah, nous avons vu tel cheikh au pèlerinage à la station Arafat. Ce cheikh de l'égarement, quand il le rencontre, leur confirme, oui, je me suis envolé et je suis parti là-bas. Quelqu'un peut se dire, ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Mais il se fait transporter par des shayatins, car les djinns ont la capacité de transporter les corps d'un autre, d'un endroit à un autre. Shayatins, pour perturber les gens dans leur religion, prennent une personne d'une ville à une autre, ils l'emmènent à Arafat. Ils le prennent d'une ville pour l'emmener directement à Arafat, le jour de Arafat. Et les gens qui sont de sa ville le connaissent. Ils savent qu'il n'est pas parti au pèlerinage et qu'il est resté dans son pays, dans sa ville. Et ceux qui sont dans cette situation, ces chouyours de l'égarement, n'accomplissent pas le pèlerinage. Abadan. Ils sont juste une fitna pour la communauté. فالحج لا يصح إلا بالطرق الشرعية وبالأسباب المعروفة. لا نعم للإنسان أن يطير بالطائرة، إنما يطير في الهواء تحمله الجن والشياطين، لا، فهذا ليس حجا مشروعا. ولذلك الذي يفعل بهذا لا يحج، وإنما فقط يشاهده الناس هنالك، ثم يشاهده مرة أخرى إذا رجعوا إلى بلادهم، فيقولون يا شيخ رأيناك في عرفة، فيقول نعم أنا ذهبت، ويعتقدون أنه من أهل الخطوة. أهل الخطوة من يمتلك قدرات، يعتقدون أنهم يمتلكون قدرات خارقة للعادة، يقطعون بها مسافات طويلة في البر وفي البحر وفي الجبال في لمح البصر يقولون. فالمتصوفة يؤمنون بهذه القدرات الخارقة للعالم، ويزعمون أن الأقطاب الأربعة، الرفاع في الشام والجيلان من العراق والبدوي من المغرب والدسوق من مصر، كانوا من أهل الخطوة، ويرفضون أن يكون هذا من الخرافات. وهذه كلها خرافات وخزعبلات، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء. الحج لمن استطاع إليه سبيلا بالأسباب الشرعية المعروفة، فهذا هو الحج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو وأصحابه الكرام استغرقوا في الذهاب من المدينة إلى مكة قرابة 10 أيام، وهم يركبون الإبل ويستريحون وينامون، ولا نعلم في تاريخ هذه الأمة أن صحابيا حمل من مكان إلى مكان، ولا أن أحدا حج بهذه الصورة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة في عمره خلدت في القرآن الكريم. أما هؤلاء الدجاجلة فيزعمون أنهم يذهبون إلى مكة 5 مرات في كل يوم وليلة، ها، ويصلون في الحرم على زعمهم. فلو بيلغيناج أخ الإسلام ني فاليد كو باغ لي فوا لي جي فيغي إي لي مويان كونكري et les moyens concrets, connus par les humains. Certes, la personne a le droit de s'envoler vers les lieux sacrés en prenant l'avion, mais s'envoler en étant transporté par des shayatines, ben non, abadan, ce n'est pas un pèlerinage légiféré de cette façon. C'est pour ça que ceux qui se font transporter par shayatines n'accomplissent pas le pèlerinage. Tout simplement le but, c'est que les gens les voient là-bas, surtout le jour de Arafat, et les revoient une fois qu'ils rentrent chez eux, hein, chez eux, dans leur pays. Une fois qu'ils reviennent de leur pèlerinage, ils revoient leur cheikh de l'égarement, dans son pays ou dans son village. Et quand il revient, les gens lui disent, mais nous t'avons vu là-bas, alors qu'ils savent auparavant qu'il n'a pas fait le pèlerinage, et qu'il n'était pas parmi ceux qui ont pris, hein, le chemin pour le pèlerinage ni l'avion. Il dit, nous t'avons vu là-bas. Et lui, il confirme. Ainsi, les gens croient qu'il fait partie de Ahl al-Khatwa. Ahl al-Khatwa, al-Khatwa, c'est le pas. Donc les gens du pas. Mais cela signifie, c'est les égarés du soufisme, qu'il fait partie de ceux qui ont des capacités surnaturelles qui leur permettent de traverser des longues distances en mer, sur terre et dans les montagnes. On a un clin d'œil. Faire des grandes distances, on a un clin d'œil. Les soufis croient en ces forces surnaturelles et prétendent que les 4 qutbs, les 4 pivots du soufisme, Rifa'i, au Sham, au nord de l'Arabie, et le Jilani, en Irak, et le Badawi au Maghreb et le Dassouqi en Égypte, les soufis croient que cela faisait partie de ces gens de Al-Khatwa qui avaient cette force surnaturelle qui leur permettait de traverser les sillons, les montagnes en un clin d'œil. Mais tout ceci, ce ne sont que des histoires à dormir debout. Partant de là, commencent les fausses croyances, l'associationnisme, les histoires à dormir debout, la sorcellerie, et tout ceci n'a rien à voir avec l'islam. Le pèlerinage est obligatoire pour celui qui en a les moyens matériels et physiques par les voies légiférées. Le messager d'Allah, ainsi que ses nobles compagnons, ont mis 10 jours de la Mecque, de Médine à la Mecque, avec leurs montures, en faisant des haltes pour dormir, pour manger, pour se reposer. Dans l'histoire, il n'a pas été rapporté qu'un compagnon a été transporté dans le ciel, d'un endroit à un autre, ou quelqu'un parmi eux a fait le pèlerinage de cette manière. Abadan, notre messager sallallahu alayhi wa sallam a eu le voyage nocturne une fois dans sa vie. Et ceci est relaté dans le Coran qui se lira jusqu'à la fin des temps. Quant à ses prétendus chouyours et ses chouyours de l'égarement et de ses voies de l'égarement, il voyage à la Mecque 5 fois par jour, soi-disant pour accomplir les 5 prières là-bas à la Mecque dans le haram. L'iyadan billah. Louange à Allah pour la sunna et pour le monothéisme et pour la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. أما هؤلاء الدجاجلة ينشرون أنهم يصلون الصلوات 5 في الحرم. ومن الروايات المتواترة عن هؤلاء الحمقى في البلدان التي تكثر فيها الطرق الصوفية في المغرب والسودان والجزائر والسنغال وغيرها من المدن وسوريا وغيرها من المدن التي تكثر فيها هذه الطرق الصوفية، أن البعض يتعجب فيسأل: لماذا شيخ الطريقة لا يصلي مع الناس؟ لماذا لا يصلي معنا؟ فيسأل مريد الشيخ فيجيب: إن الشيخ يذهب إلى الحرم يصلي فيه ثم يرجع، والله المستعان. ونحن أهل التوحيد نضحك من هذا الخلل ومن هؤلاء الحمقى، لكن تصوروا أن هذا الخلل يصدقه بعض من لهم مكانة في بلادهم، ومن هم من حملة الدكتوراه، ومن هم في أعلى المناصب في بعض الدول، ومنهم المستشارون والقضاة والمحامون وغيرهم، ويصدقون بمثل هذا الدجل ويذهبون إلى شيخ الطريقة يقبلون يده على أنه ولي من أولياء الله، وعلى أنه وصل وأنه قد بلغ رتبة اليقين، فسقطت عنه كل هذه التكاليف، الصلاة سقطت عنه، كل شيء سقط، وهو أصل وهو على أنه وصل، وصل لمرتبة اليقين. وإذا حاججت من يدافع عنه قال لك: يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظر الفهم الفاسد والكاسد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت، حتى الموت، لكن يقول لك هذا وصل إلى مرتبة اليقين، هذا الآن لا يعبد الله. وينسبون، انظر إلى الدجل، وهذا يصدق الدكاترة. ومرة جمعني الله بأحد الموظفين، موظف ذو العالم، من هؤلاء لفونكسيونير انترناسيونو، في فندق من مدينة الرباط، وكنا في شهر رمضان، وذكرنا هؤلاء الدجاجلة، هؤلاء الشيوخ في بعض الدول في إفريقيا. فقال لي هو في بعض الأحيان يرى هذا الرئيس الدولة يأتي ويجلس كطفل صغير بين يدي شيخ الطريقة، وشيخ الطريقة يقول له هذا وهذا. إذا قال له متى سيكون رمضان، يجب أن يكون كما قال له. متى نعيد؟ يقول له هو ما يجب أن يخرج عن كلامه، والله المستعان. فهؤلاء الذين يقولون عنهم وصلوا يكون من أكبر الفساق، يأتون ما حرم الله عز وجل ومع ذلك يحسبون بأنهم أولياء، يحسبون بأنهم أولياء. واسمع لهذه الخرافة، اسمع لهذا الموحد، هذا يزيد يقينا على توحيده أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ينسبون على أن يقولون بأن أحد أولياء الله سأل الله عز وجل أن يدخله النار، وأن الله لم يجب دعوته. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه طلب أن يدخل النار ليطفئها حتى يرحم بقية الناس من دخولها. قالوا فالله يعلم ذلك، فقال لا، هذا قضائي وقدري لا يتغير. من أوحى لكم بهذا؟ أي رسول أتاكم بهذا الكلام؟ فقال له الله يعلم ذلك، فقال لا، يقولون أن الله قال هذا قضائي وقدري لا يتغير، النار عذابي لمن أشاء. قالوا فلو دخل هذا الرجل النار لأطفأ النار، والله المستعان. إبراهيم خليل الله احتاج أن يقول الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن هذا الدجال المخرف يقولون أن هو الذي سيطفئ النار، العياذ بالله. فالدجل والخرافات كثيرة. فالحمد لله على نعمة التوحيد ونعمة عقيدة السلف رضوان الله عليهم. فما سلط علينا أعداء الله وأعداء الإسلام إلا بخروجنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فأعداء الله يعتقدون في المسيح أنه حل، أن الله حل في المسيح، عياذا بالله. وهؤلاء الدجاجلة الخرافيين يعتقدون أن الله حل في علي وحل في الحسين وحل في ست زينب وغيرهم ممن هم من الفساق، ويدعون أن هؤلاء الدجاجلة الفساق يستجيبون الدعاء وأنهم يشفون المرضى. سبحان الله، ماذا بقي لله من الأسماء والصفات إذا كان هؤلاء يستجيبون الدعاء ويسمعون من يستغيث بهم ويشفون المرضى ويعطون الأولاد؟ ماذا تركوا لله يا هؤلاء، عياذا بالله؟ يسمعون الدعاء ويجيبونه، والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ربنا عز وجل وحده سبحانه وتعالى، هو الذي وسع سمعه الأصوات. نحن في سجودنا في الصلاة كل منا يدعو بما فتح الله عليه، كلنا ندعو في وقت واحد. تأمل كم من المسلمين يصلون ويسجدون ويدعون الله، وكل واحد في لغته وفي بلده، وكان الأوقات مختلفة من بلد إلى بلد، والله سبحانه وتعالى يسمع دعاء كل أحد، وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة ولغات مختلفة. والمسلمون يقربون إلى جثة الملاير من المسلمين على وجه الأرض، فهو سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فهو المستجيب سبحانه وتعالى وحده. لكن إذا خدرت العقول وتبع من لا يجوز اتباعه، فانتظر الضلال والدجل. دونك لو موريد دو ديسيبل دو شيخ دو ليغارمون كونت il se fait interroger à l'heure de la prière sur son cheikh: pourquoi notre cheikh ne prie pas avec les gens à la mosquée. Il répond, tu es fou. Cheikh prie avec nous, mais Cheikh il prie au haram. Hein? Il te répond, mon frère, Cheikh est un degré élevé. Toutes ses prières s'accomplissent au haram. Il fait le voyage 5 fois par jour. Alors que notre messager sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne 1 fois dans sa vie. De la mosquée al-Haram à la mosquée de Jérusalem, et puis il y a eu son ascension vers les 7 cieux. Tout ceci 1 fois dans sa vie, et ceci c'était dans la noble parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Il est dans le verset dans Sourate al-Isra, gloire, subhanalladhi asra bi'abdihi, hein? Gloire et pureté à celui qui de nuit fait voyager son serviteur, qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes. Quant à ces charlatans, on les fait voyager 5 fois par jour vers le Haram. A'oudou billah. Et il y a des histoires réputées, transmises par beaucoup d'insensés, qui n'ont pas de raison ou dont les raisons sont anesthésiées. Donc, ceci à se propage dans les pays où il y a beaucoup de boissons fruits, comme le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Soudan, le nord de l'Arabie, là-bas, Cham, la Syrie, hein? Certains s'étonnent que Cheikh ne prie pas, que Cheikh ne prie pas avec les gens. Il ne se voit pas dans les mosquées. Il se pose la question, pourquoi Cheikh ne prie pas avec nous? Et on leur répond, hein? Cheikh, tu es fou, hein? Cheikh, 5 fois, il prie au haram, il revient. Nos autres monothéistes, hein, on rigole, et ceci est malheureux, hein, de cette perte de la raison. Mais imaginez que ces âneries sont gobées par des grandes personnalités, et par des conseillers de gouverneurs, et par des milliers, par des médecins, par des avocats, par des fonctionnaires internationaux. Et j'ai rencontré une fois, lors d'un ramadan, dans un hôtel à Rabat, et on discutait, et on est arrivé aux boissons fruits d'Afrique. Et lui, il était haut fonctionnaire en Afrique. Il m'a raconté que certains présidents venaient, ils s'asseyaient au pied du cheikh, comme un petit garçon. Et ce que cheikh il dit, khlas, il n'y a pas à bouger. Et que malheur à lui, si il déclare pas l'apparition de la lune quand le cheikh lui a dit. Pour Ramadan ou pour Shawwal. Hein? Il m'a dit, wallah, si tu les vois, tu as pitié. Et tu les vois à la télé, président, etc. Il m'a dit, tu as pitié quand tu les vois devant eux. Hein? Donc certains s'étonnent, mais ceci existe à l'islam. Il existe. Il y a même certains qui ont dit, et ça je le tiens de source sûre, on fait ça pour que les gens nous admirent, pour que les gens restent avec nous, pour que les gens soient avec nous. Dans certaines tendances que nous avons, nous, on dit ça, on le fait, pour que les gens, pour appâter les gens. Hein, l'ayadan billah. Louange à Allah pour la guider vers le monothéisme. Il a guidé vers la sunna et la voie des prédécesseurs, wallah alim. Quand tu sais que il a bac plus 5 et il va et il est conseiller ou autre, et il va baiser les mains et les pieds d'une personne qu'il appelle le wali. Et on dit que ce wali, est arrivé à la certitude. C'est quoi la certitude pour lui? Quand il arrive à la certitude, ça veut dire qu'il ne prie plus, il ne jeûne plus, il fait tout ce qui est du domaine de la perversité. Il n'a plus à accomplir les adorations. Hein, plus de prières, plus rien. Et si tu commences à discuter, dis comment? Et tu dis, nous avons la preuve. Nous avons la preuve dans le Coran. Et regarde les fausses interprétations du Coran. Le verset dit, wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Dis, regarde. Le verset dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu arrives à la certitude. Mais il a oublié, mskin, que la certitude ici, c'est la mort. C'est-à-dire que tu dois adorer Allah jusqu'à la mort. Tant que tu as la raison, hein, et tant que tu es vivant. Hadallah, il est arrivé. Ça veut dire pour la certitude, khlas, il ne fait plus rien. Et l'Ishir est arrivé à la certitude, khlas. Et ça, c'est les fausses interprétations de la parole d'Allah, Azza wa Jal. Donc, vu qu'il est arrivé, il n'adore plus. Et écoutez cette énorme ânerie qui est gobée par des gens qui ont des bagages. Ils attribuent à un wali qu'il a demandé à Allah de le faire entrer en enfer et Allah n'a pas exaucé son dua. Il dit pourquoi? Hein? Ils ont répondu car il a demandé de rentrer en enfer pour éteindre son feu, pour épargner aux gens d'y être brûlés. Oi, oi. Et Allah sait cela. Et il a dit, mon décret ne change pas. L'enfer est mon châtiment pour ce que je veux. Ils disent, c'est soit il rentre en enfer, il va l'éteindre. Allah al-Musta'an. Aywa, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Khalilullah, avait besoin qu'Allah ordonne au feu d'être doux pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais ce charlatan peut éteindre le feu de l'enfer. A'oudhu billah. Où sont parties les raisons? Écoute le verset. قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. La traduction approximative du sens du verset nous dit au feu soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Le polythéisme et les histoires à dormir debout n'ont pas de limite à l'islam. N'ont pas de limite. Hein? J'ai entendu une dans une mosquée pendant un Ramadan. Je dormais au coin de la mosquée après Salat al-Asr. Les hados qui font le tourisme, Jama'at Tablir, qui font le tourisme, hein, soi-disant pour faire dawa, et qui ont besoin qu'on leur fasse dawa eux-mêmes. Il y avait un parmi eux qui venait du Comore. Et il a commencé son bayan et sa dissertation. Et tout d'un coup, je reçois une onde de choc. L'énormité de ce que j'ai entendu. Il dit, un matin, Bilal n'est pas venu faire la prière, Bilal n'a pas fait la dan. Hein? Et donc le prophète alayhi sallam a fait la prière, là, il est resté à la mosquée avec ses compagnons. Et tout d'un coup, Bilal rentre. Et le soleil ne s'est pas levé encore. Et Bilal rentre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va faire l'adhan. Hein? Il va faire l'adhan et le soleil se lève. Et eux, ils commençaient à crier, Allahu Akbar, Allahu Akbar, le karama. Quel karama? Tu es en train de raconter des âneries sur le prophète. Le prophète, il va dire à Bilal, va refaire l'adhan. Le soleil va se lever pour l'adhan de Bilal. Hein? Ça, je l'ai déjà entendu de mes propres yeux, mes propres oreilles. L'ayadan billah. Hein? Allahu al-musta'an. Et les histoires comme ça à dormir debout, vas-y. Hein? Louange à Allah pour nous avoir comblés de connaître l'aqida authentique de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses nobles compagnons. Les ennemis d'Allah nous ont écrasés et ont pris le dessus sur nous. Et sur notre communauté, tout simplement, parce que nous avons pris notre voie que la voie du messager alayhissalam et de ses nobles compagnons. Les ennemis d'Allah croient qu'Allah s'est établi dans Isa alayhissalam. Et ces charlatans croient qu'Allah s'est établi dans Ali, dans Hassan, dans Hussein, dans Zainab ridwanullah alayhim. Ils croient aussi que Allah s'établit dans leur pervers du jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils croient que ceux-là exaucent ses morts, exaucent le dua, et qu'ils guérissent les malades, et donnent des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah dans ces cas-là comme attribut? Si ces morts entendent et exaucent dua, ils donnent des enfants, et exaucent l'angoissé. Alors qu'il est dit dans le verset 62 dans Surat, la fourmi, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Gloire à Allah. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui entend tous les sons et toutes les voix et rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle langue. Imaginez dans notre prosternation et combien de musulmans se prosternent à différentes heures de la journée et de la nuit. Imaginez chacun de nous et chaque musulman sur terre implore Allah et demande à Allah ce qu'il veut. Et combien de monde l'implore en même temps? Médite. À chaque instant, combien de gens demandent, font leurs différentes dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Dans différentes langues. Les musulmans à travers la planète sont presque 2 milliards. Ils ne parlent pas tous la même langue. Ils ne parlent pas tous l'arabe. Donc ils invoquent Allah, ils lui demandent par différentes langues. Allah subhanahu wa ta'ala les entend tout le monde. Et exauce ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Fallahu al-musta'an. Louange à Allah pour la aqidah du tawhid. Alhamdulillah ala ni'mati tawhid. Wa ni'mati sunnah. ونعمة المنهج الذي كان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Donc le but de ces assises, le but de ces assises qu'Allah vous bénisse, c'est pour se rappeler qu'il est obligatoire pour nous de se lier fortement avec le livre, la sunna et avec la compréhension et la voix de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Pourquoi? Car beaucoup de gens, comme les savants l'ont remarqué, ne comprennent pas la réalité des adorations et la réalité des jeûnes. فالصائم أخ الإسلام يمتنع عن الطعام والشراب والجماع بنية العبادة بنية العبادة من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس فإن غابت الشمس حل له كل ذلك كله. Donc le jeûneur s'abstient de manger et de boire et d'avoir des rapports conjugaux avec l'intention de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, il veut les récompenses d'Allah, il le fait pour Allah. Depuis l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher de soleil. Et après, wa niyyatu akhi al-islam 'inda al-muslim mahalluha al-qalb. Fala yatalaffadhu biha. ومن فعل كل شروط الصيام بدون نية العبادة فلا يعتبر صائما شرعا لا يعتبر صيامه لأن من شرطه النية كمن فعل ذلك لإنقاص الوزن ونحو ذلك فمقصدنا من هذه المجالس أن نربط أنفسنا وإخواننا بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. لما؟ لأن كثيرا من الناس كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يفهمون حقيقة الصيام وحقيقة العبادات. كثير من الناس يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الأهل ولا يعرف لماذا هذا الامتناع. ولكن لو فهم أصل أي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة ووفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة لانحلت عنده المشاكل ولما بقي عنده مشكل. Donc le but de ces assises qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, c'est pour se rappeler qu'il est obligatoire pour nous de se lier fortement avec le livre et la sunna selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Pourquoi? Car beaucoup de gens, comme les savants l'ont remarqué, ne comprennent pas la réalité du jeûne et la réalité de beaucoup d'adorations. Beaucoup de jeunes, de gens, s'abstiennent de manger, de boire et des rapports conjugaux, ils ne comprennent pas le but et le pourquoi et le comment de cette abstinence. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Mais s'ils avaient compris le fondement de chaque obligation qu'Allah a instaurée, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, ils n'auraient pas de confusion. Ils n'auraient pas d'ambiguïté. Les choses seraient claires pour eux. Ils accompliraient ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala selon la voie et comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset 187, dans Sourate la Vache, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez pour vous, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. يقول سبحانه وتعالى تأمل حتى تعرف مدى الارتباط بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. يقول سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمثلا يأتيك إنسان في بلاد من بلاد المسلمين ويقول لك إذا ضرب وسمعت صوت مدفع الإمساك أو سمعت الزواك هذه فلا تأكل. الآن اسأل نفسك، هل عندك نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه يجب عليك الإمساك بمجرد سماع صوت المدفع أو الزواك هذه؟ لا. لكن رب العزة قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما يوجد في الآية مدفع ولا زواك. ومدفع الإمساك والزواك يستعملان في بعض البلدان من باب المساعدة يقول أهل العلم، لكن المحققين من أهل العلم يقولون أن هذا بدعة. لماذا؟ وخاصة لماذا يقولون أنه بدعة؟ إنه خاصة أن هذا الصوت، صوت المدفع أو الزواك هذه، يسمع قبل طلوع الفجر الصادق بعشر دقائق أو 15 دقائق، ويسمع بعد غروب الشمس بخمس دقائق أو أقل وأكثر. يقولون لماذا؟ باب الاحتياط. وأهل العلم يقول نحن عندنا في السنة شيء آخر، آذان يكون قبل الفجر الصادق بربع ساعة أو أكثر إلى نصف ساعة في الوقت نفسه الذي يضربون فيه المدفع، أو يطلقون هذا صوت الزواكة. لماذا هذا الآذان الأول الذي يسميه المغاربة التحضيرة؟ ها، هذا له حكمة عظيمة. من حكمه أن يفهم الصائم أن الفجر الصادق قريب، وأن يفهم هذا الذي قام يصلي الليل أن الفجر قريب فيوتر، كمن كان يصلي ها من قبل، الذي كان يصلي قبل طلوع الفجر الصادق فيسمع هذا الآذان الأول فيوتر، والآخر الذي يريد أن يصوم ولم يتناول سحر يتناول في ذلك الوقت سحور. هذه حكمته، يستطيع هذا الذي يريد أن يصوم أن يأكل شيئا قبل طلوع الفجر الصادق. وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، هذا الأذن الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان ضرير، كان لا يرى، فابن مكتوم كان لا يؤذن حتى يمر عليه صحابي من الصحابة فيقول له: أصبحت؟ أصبحت، أي طلع الفجر، فيؤذن رضي الله عنه وارضاه، فيكون بأذان ابن أم مكتوم الفجر الصادق، ويكون بأذان بلال هذا أذان قبل الفجر الصادق. فالذي يسمع المدفع ويفهم النص كما فهمه سلفه الصالح ما عنده إشكال. ومن هنا يتبين لك أهمية الارتباط بنصوص الكتاب والسنة وبفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. دونك le verset qui dit dans la traduction approximative mangez, buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, et abstenez-vous à ce moment-là une fois que l'apparition de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Prends par exemple, quand on est lié avec le livre d'Allah et la sunna, selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah Alim, on n'aura pas d'ambiguïté ni de problème. Tu rencontres quelqu'un, par exemple, dans un pays de l'islam, comme le Maroc ou ailleurs, peu importe. C'est un exemple. Il te dit, si tu entends le coup de canon ou la sirène, alors arrête de boire et de manger, en sachant que le coup de canon, il va y avoir un peu le fajr, et la sirène aussi, et aussi le maghrib. Donc si tu entends le coup de canon ou le fajr, abstiens-toi, ou la sirène, abstiens-toi. Maintenant, regarde le texte. Est-ce que dans le texte de la législation, tu as quelque chose qui te dit abstenez-vous au coup de canon ou au sifflet de la sirène? Non. Mais notre souverain subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le verset, dans la traduction approximative, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc dans le verset, il n'y a pas la citation du coup de canon ni de sirène. Le coup de canon et de sirène s'utilisent dans certains pays. Comède. Sinon, certains savants disent que c'est une innovation. Pourquoi? Surtout que ce coup de sirène, ce coup de canon, retentit 15 à 30 minutes des fois avant l'apparition de l'aube véridique, donc avant l'heure de la rupture. Et des fois, il retentit 5 minutes après le coucher de soleil. Pourquoi? Tout ceci, disent les précautions. Hein? Ce qu'ils appellent, ce qu'il y avait sur les calendriers, l'Imsak. L'Imsak, ils font 20 minutes, hein, avant l'Adhan. Hein, avant l'apparition de l'aube. Ceci aussi, c'est une innovation. Hein? Donc, ils appellent le temps de l'Imsak, l'abstention. Et les savants disent que ceci est une innovation. Et ils l'expliquent. Parce qu'il est relaté dans l'authentique de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Nous avons dans la sunna un premier adhan, que malheureusement beaucoup ont oublié. Un premier adhan avant l'apparition de l'aube véridique, qui retentit 15, voire à 30, à 20 minutes ou 30 minutes avant l'adhan, avant l'aube véridique. Et en général, ce coup de sirène, ou ce coup de canon retentit au moment du premier adhan, qui n'est pas l'aube véridique. Et parmi les sagesses et le but de ce premier adhan, c'est pour que les jeûneurs comprennent que l'aube véridique est proche, et que celui qui accomplit les prières nocturnes sache que l'aube véridique va apparaître pour clôturer sa prière par le witr, s'il l'a pas fait, il l'a pas fait auparavant. Avant l'apparition de l'aube véridique. Et aussi pour celui qui veut jeûner, puisse prendre la collation de suhur avant l'aube véridique. Ainsi, car la sunna, c'est de la retarder. Non pas de la prendre à 2h du matin, là. C'est de la retarder, cette collation. Dans ce sens, le messager d'Allah nous a expliqué, dans le hadith authentique, quand Bilal fit l'adhan, mangez et buvez, jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan d'Ibn Mumtoum. Quand Bilal fit l'adhan, fait l'adhan, le premier, avant l'apparition de l'aube véridique. Mangez et buvez, jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan d'Ibn Mumtoum. Ibn Mumtoum était aveugle, radiyallahu anhu wa arda, était l'un des mu'addin à l'époque du prophète, alayhi salam. Ibn Umm Maktoum se mettait dans un endroit, un compagnon, il passe, une fois l'aube véridique apparaît, lui a dit, asbahta, asbahta, c'est le matin, il y a, hein, c'est-à-dire, l'aube véridique est apparue. Qu'est-ce qu'il fait, Ibn Umm Maktoum? Il fait la dan. Il avertit les gens avec la dan. Hein? Et il le fait à quel moment? Au moment de l'apparition de l'aube véridique. De l'aube véridique. Hein? Le compagnon passe à côté de lui, dit asbahta, asbahta. Il y a parmi les aveugles un qui, hein, que Cheikh Al-Uthaymin retient et raconte, ils savent l'heure de l'aube par l'odeur. L'odeur, ils savent, hein, minan nas, ma, hein, فقدوا البصر لكن كما يحكي ذلك الشيخ العتيميين فيهم من حكي له أنه يشم بالرائحة يعرف أن الفجر الصادق دخل وهذا الذين أكرمه الله donc celui qui entend la sirène maintenant ou qui entend le coup de canon ou n'ayant compris le texte n'aura aucune confusion, aucun problème. Car il est lié avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Farabbuna yaqul wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Wal-ibratu huna in kunna fi bilad al-muslimin bil mu'addinin fal-muftarad أن يؤذنوا عند دخول الوقت وعند طلوع الفجر الصادق وهنا سؤال وماذا عنا ونحن في البلدان غير الإسلامية منذ سنوات الآن مر على هذا 20 سنة سألت الشيخ عبد الله البخاري كيف نفعل وأنتم تعلمون وكنا في شمال فرنسا وأنتم تعلمون أن الضباب يحيل بيننا وبين رؤية الفجر الصادق وغروب الشمس فهل نعتمد على هذه التقويمات التي هي نتاج جمعيات ومؤسسات إخوانية ضالة مضلة؟ فأجابني قائلا: لا يظن أنهم يجرؤون على الكذب في مثل هذه الأمور التي تتعلق بعبادات مهمة، ألا وهي الصلاة والصيام. وقال لي: وعلى أي تحروا؟ وذكرت له أننا مرة مع أحد طلبة العلم من الأردن، وكان ذلك قبل انحراف جماعة الأردن عن منهج الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أننا ذهبنا وبعض الإخوة من مدينة لبوي فيما يخص مغيب الشفق الأحمر، ذهبنا إلى منطقة في ضواحي ليل وبقينا هناك من غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر، فوجدنا أنه طابق ما على التقويم. كان عندنا ذلك الوقت المغرب العشاء في الساعة 12 ويصل إلى 12:15 في الليل، والفجر مبكر في 4. فسألته حفظه الله عن الأخذ بوقت غروب الشمس من النشرات الجوية، فأجابني حفظه الله: من باب أن تستعينوا بها على أنها وسيلة بعد التحري، مرتين وثلاث واربع فلا بأس، وإلا فالأصل الإمساك عند طلوع الفجر الصادق والإفطار عند غروب الشمس. ويذكر الإخوة الآن منذ سنوات الآن أن هذا التقويم الذي كان يناسب الوقت تغير، غير، يقولون للمصلحة الناس والي والي والي، لكن كل هذا ما يمكن أن تغير شرع الله وأوقات الصلاة لمصلحة الناس أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التبات. Donc le verset dans sa traduction approximative du sens nous dit: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce qu'il faut prendre en considération quand on est dans un pays de l'islam, l'adhan, car ce qui est demandé par la législation d'Allah aux musulmans, c'est que les mu'addin dans la communauté musulmane et dans les pays de l'islam doivent appeler à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire ils doivent retentir leur adhan à l'heure. Que ce soit pour le Maghreb ou que ce soit pour Al-Fajr. Et ici, dans les pays qui ne sont pas des pays de l'islam, comment on doit faire? Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai posé la question à Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, comme il est venu nous voir une quinzaine de jours à Roubaix, je lui ai posé la question en lui disant: vous savez que, parce qu'il a vu de ses propres yeux que les nuages et les lumières divines nous empêchent de voir l'aube véridique et le coucher de soleil avec le temps qui est tout le temps brumeux. Et à cette époque, j'habitais le nord de la France, c'était dans la ville de Roubaix, dans le pays des ch'tis, comme ils disent. Et je lui dis: est-ce qu'on peut se fier à ces calendriers qui sont édités par des institutions et associations ikhwanes qui sont des égarés, égareuses, des tendances égarées, égareuses, tout cet ensemble réuni par l'UOIF. Il m'a répondu: il n'y a pas lieu de croire qu'ils auront l'audace de mentir sur ce point qui a rapport avec les adorations importantes qui sont la prière, le jeûne. Il m'a dit: mais vérifiez, vérifiez. Et je lui ai cité qu'une fois, avec certains frères de Roubaix et un étudiant de sciences de Jordanie, avant que la clique jordanienne ne dévie, nous sommes partis dans un endroit pour surveiller la disparition de l'aurore et nous sommes restés à cet endroit depuis le coucher du soleil On a assisté au coucher du soleil, où on est resté là-bas jusqu'à la disparition du lieu rouge, de l'horreur du ciel. C'était au mois de juillet. Déjà, à cette époque, au mois de juillet, nous, on atteignait dans le nord, minuit moins un quart, minuit un quart, etc. Il faut 4 heures du matin, 3 heures et demie, etc. Il faut bien se rappeler que ceci, il y a plus de 20 ans. Certains de nos frères, dignes de confiance, rapportent qu'il y a eu des changements sur les horaires de ces organisations qui s'occupent de cela en France. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala détient la vérité. Puis, je lui ai posé la question sur le fait de prendre l'heure du coucher de soleil des prévisions de météo. Il m'a répondu, vous pouvez vous aider avec, après avoir vérifié plusieurs fois. Sinon, la base, c'est de s'abstenir à l'apparition de l'eau véridique et de rompre au coucher du soleil. C'est là-bas, c'est comme ça que ça doit être. وهنا أمر مهم لا بد لنا ألا ندخل نفوسنا في المتاهات كما يفعل بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يدخلون المسجد ويذهبون إلى الماء بعدما دخل وقت الإمساك الذي يتعلق به عوام المسلمين الموجود في بعض التقاويم والذي يعتمد عليه عوام المسلمين فيشرب أمامهم فتصير الفتنة والتشويش والبلبلة نعم لا نقول بالإمساك ولا نعمل به ولكن لا داعي لإثارة الفتن وإن تمكنا من النصح والتوجيه فعلينا ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم وهنا أمر مهم مثال آخر إنسان يسمع آذان المغرب ويقول له آخر بجانبه لا تفطر انتظر حتى يتم الآذان وبعضهم يقول له حتى يتشهد ولو سئلت بعضهم لماذا ما يستطيع أن يجيبك ما دليلك ما عنده دليل لماذا ننتظر حتى يتم الآذان هل إذا أتم الآذان غربت الشمس وربنا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس فالذي يرى غروب قرص الشمس بنفسه فقد غربت الشمس في حقه وهذه البلاد نستعين بكل ما يمكن ونتحرى ونراقب لأن هذه عبادة فمن مجرد غروب الشمس وجب الإفطار وعلى المؤذن أن يؤذن ونفطر ولا ننتظر حتى الشهادتين أو حتى يتم الآذان لأنه لا دليل على ذلك ونحن أمة تسير مع الدليل وتدور مع الدليل حيث دار وكما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم فالعبرة بالليل فأتم الصوم إلى الليل Et il y a un point important sur avec lequel on termine, inshallah. Il y a un point important, il n'est pas permis de créer des fitaines comme les actes de certains frères, de certains de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la clairvoyance. Ils rentrent à la mosquée au matin, ils se dirigent vers l'eau et ils commencent à boire devant les personnes âgées qui les pauvres s'abstiennent par rapport à l'ordre de l'imsak cité sur les calendriers. Bien sûr, c'est une innovation, cet imsak sur le calendrier. Et ceci crée beaucoup de problèmes entre les jeunes et les personnes âgées. Certes, on ne prend pas en considération l'horaire de l'imsak, mais est-ce qu'on a le droit de créer la fitna ? Abadan. La même chose pour la rupture du jeûne. Des fois, il y a 3 à 5 minutes de retard sur le calendrier. Là encore, une fois certaines rompent devant les gens, et les gens qui ignorent le fait de rompre le jeûne à la disparition du soleil, les traitent d'avoir annulé leur jeûne et leur journée. Hein, ils commencent des discussions qui n'en finissent pas. Alors que ce qui nous est demandé, c'est de conseiller, d'orienter ces personnes de la meilleure des façons, avec un langage qui correspond à leur niveau et à leur âge, et avec un langage qu'ils comprennent. Là, il y a aussi un point très important sur lequel il faut attirer l'attention. La personne entend l'adhan du Maghreb. Et il dit aux gens, il voit quelqu'un prendre une date pour remplir, il dit non, arrête, attends qu'il termine l'adhan. Hein? Attends qu'il termine l'adhan. L'autre, d'autres lui disent, attends qu'il dise la shahadatayn, l'attestation de foi. Maintenant, la question qu'on me pose. Et si tu leur poses la question, pourquoi je dois attendre la fin de l'adhan, ou pourquoi je dois attendre que le midi dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan, il ne saura pas te répondre. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de preuve. Pourquoi attendre jusqu'à la fin? Rien. Alors que le verset nous dit, dans sa traduction approximative, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc celui qui voit le soleil, qui voit que le soleil s'est couché, complètement doit rompre son jeûne. Et dans ces pays qui ne sont pas des pays de l'islam, on cède avec tous les moyens possibles après avoir vérifié. Donc, dès que le soleil se couche, il est obligatoire de rompre son jeûne. Et le mu'addin, sa responsabilité, doit faire l'adhan. Et on rompt notre jeûne et on n'attend pas la fin de l'adhan, ni que le mu'addin dise « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad » et qu'il termine shahadatayn abadan, car il n'y a aucune preuve. Et nous devons enseigner et orienter les gens vers la sunna de la meilleure des façons, et avec le langage qui convient à leur âge et qui convient à leur situation, et le langage qu'ils comprennent. Car le but, c'est de les amener à se conformer à la sunna. Nous sommes une communauté qui doit se conformer aux preuves du livre et de la sunna, avec la compréhension du pur prédisseur d'Allah alayhim. Le messager nous a enseigné dans le hadith authentique, quand la nuit arrive de là, et la journée part de l'autre côté, c'est-à-dire quand la nuit arrive de l'est, et la journée part vers l'ouest, classe, l'heure de la rupture du jeûne est arrivée. C'est-à-dire le jeûneur doit rompre son jeûne. Le départ du jeûne, c'est la disparition du disque solaire, et c'est là le début de la nuit. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.